pas le BG, moi j'ai pas Katas. J'pourrais charger des Pocahontas. Rien que je tâche, j'suis plus à la place. J'pense à faire le tour de l'Atlas. C'est fini le temps d'avant. La compte de ton daron. Font les voyous comme c'est marrant. Des gamins, des fois j'suis marron. Personne sur moi voulait miser. À part tu sais qui. Et tu sais quoi. Là j'suis sur la Suzuki. Dans la rue j'suis des gains. Mais toi on sait tu suis ce qui. C'est mieux que j'me retrouve seul. Au moins je sais qui est qui. Je viens de loin frère, j'ai galéré. J'ai marqué vos cerveaux à l'époque où j'valais rien. Où j'valais rien. Je ne suis pas un héros. J'ai pas tout payé pour l'euro. Mais je ne suis pas un béro. Je te fais glisser comme un libéraux. Mais je ne suis pas un héros. J'ai pas tout payé pour l'euro. Mais je ne suis pas un béro. Je te fais glisser comme un libéraux. Mes impôts les libérer. Car en cellule ouais ils périssent. Sous peintons qui rit. Y'en a qui prennent des risques. Mojito, tu m'as vexé, mon poquito. Je te fais des bisous, elle me dit mon chiquito. Tu te mens, ça maintenant tu as un petit puto. Toute la nuit je roule à fond. Je fais péter les caissons. Un peu de moumou dans le caleçon. Je serre les gens comme ils sont. Toute la nuit je roule à fond. Je fais péter les caissons. Un peu de moumou dans le caleçon. Je serre les gens comme ils sont. 2020 je fais des massacres. Nous là dans la massage, j'fais la prod, j'écris. Gros, le ciel est gris, en ce moment que ça crie à la casa. Ça s'enjaille, côté passage. J'ai fait t'en mettre une dans le visage, j'étais passage. À coup de cassage, de nuque, de coccyx, retiens le message. Ça s'enjaille, côté passage. J'ai fait t'en mettre une dans le visage, j'étais passage. À coup de cassage, de nuque, de coccyx, retiens le message. Je ne suis pas un héros, j'ai pas tout payé pour l'euro. Mais je ne suis pas un béro, je te fais glisser comme un libéraux. Mais je ne suis pas un héros, j'ai pas tout payé pour l'euro. Mais je ne suis pas un béro, je te fais glisser comme un libéraux. Me lève à jeun, c'est pas ce que je m'imagine. Y'a pas de secret, je bosse comme une machine. Je compte sur ma team, pas trafic de stream, d'or et de platine. Mais j'ai dit c'est frites contre la poussière. Je fais un mec sur Insta, il rappe bien, je lui ai mis un poussière. Mais j'ai dit c'est frites contre la poussière. Je fais un mec sur Insta, il rappe bien, je lui ai mis un poussière. Je ne suis pas un héros, j'ai pas tout payé pour l'euro. Mais je ne suis pas un béro, je te fais glisser comme un libéraux. Je ne suis pas un héros, j'ai pas tout payé pour l'euro. Mais je ne suis pas un béro, je te fais glisser comme un libéraux.